Une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial l'entourage. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock. L'entourage, même les jours fériés, l'entourage est là. Toujours là. Et j'ai eu peur parce qu'il partira à plus de 10. Yes. Il n'en restait qu'un, il y a encore quelques minutes au micro, 2R qui est là, ça va. Je suis arrivé avant tout le monde, mais ouais, moi j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur. Ça va, mais ça arrive petit à petit, ça y est, je vois, tu vas pas être tout seul. Mais je les pardonne s'ils sont partis à la manif contre le FN, je les pardonne. Oui, c'est bien. Ouais. C'était aujourd'hui, mais en même temps, on n'a pas tellement entendu parler. Ouais, c'est, moi je l'ai su ce matin et ouais. Je me suis déplacé directement et j'espère que tout le monde a fait pareil, mais bah, c'est vrai. La prochaine fois, on en fera une plus grosse. Voilà, une plus grosse la prochaine fois. Yes. Merci en tout cas d'être là, bienvenue à une partie de l'entourage. Jesse Baz Mekra vient d'arriver dans les studios. Ça va messieurs? Ah, ça se passe tranquillement. Bien, tout se passe bien? Tranquille. Tranquille, les journées ça ressemble à quoi pour vous aujourd'hui? C'était repos ou... Là c'était, on vient de sortir un clip, du coup c'était le partage du clip. C'est vrai que c'est... 75. Le morceau 75, les images sont arrivées. Elles viennent d'arriver sur YouTube, l'entourage vidéo. Bon, il paraît que c'est votre plus gros clip. Le plus beau. Ce que vous avez dit de... Ouais, c'est le clip qui a fait le plus l'unanimité entre nous et parmi les gens à qui on l'a montré. Donc on espère qu'il fera l'unanimité aussi parmi le public. On invite tout le monde à aller le checker, à le partager au max. Et bah, si vous voulez mater, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. 41759 avec le hashtag l'entourage sur Skyrock. On va débuter. Il y aura quand même du live de prévu, même si vous êtes trois pour l'instant. Ouais. Toujours. Problème. Même à trois, on peut rappeler pendant des heures, t'inquiète pas. Et bah, rappelons-nous d'ailleurs. Rappelons-nous ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, puisque vous étiez là aussi hier soir. C'est bon. Session live dans Planète Rap l'entourage. 1-2-1-2 mic check, plein de rage, plein de blême, mais mon possible. Je rap, je à l'aise, les leçons de la vie s'apprennent seul et pas quand des vieux qu'on te parle. Car la France est en décadence dès que tombe la nuit. Avec ce son le navire est battu par les flots mais ne sombre pas. Les poulets font des guet-apens car je peux que pondre ma rime. Hey yo, je suis ce putain de jazz. Je balance ce bon lyrique sans que j'arrive à le faire. Mon lifestyle est animal mais je suis qu'une sale merde. Mais on me trouve admirable quand je manie cet adverbe. Adjectif et synonyme, apprécie mes hiéroglyphes. Des images pour indiquer un sens dans les virages comme les lignées intenses. Dans ma tête des kilos dream, téléguide des implants. Avec sérénité j'essaie de pérenniser l'instant. Crâle mais grave au micro, parle pas pédale. Je picole, je suis qu'un brave qui a pas de bif. Et je te fais rafle comme Mario. Je suis pas plaque ni latine, je suis un pic au Canada. A ce qui paraît tous ces mythos passent des kilos baladoires. Dans le frigo y'a pas de maille, mon petit au Panama. Il est gil aussi, faut qu'il épite mon stylo, gratte un max. C'est le KRA. Tu passes les thunes et les putes d'abord. Tu fais le gangster dans tes textes, mais t'es qu'une salope. Salope. Nous on le sait, n'essaye pas de nous duper. Les poufs on se perd toujours face au succès. Putain c'est pas grave, même ce charabia. Tu vois qu'il est chaud mec, blanc, arabe et noir dans la plaza. On s'en fout mon pote, y'en a plein de rimes dans la tête. Je suis un dingue mec, tu vois je la pète. Quand je prends le mic, je fais des égotripes comme un quinri. J'en ai rien à foutre mon gars, tu vois je manque pas d'inspi. Nos mères auraient voulu qu'on grandisse autrement. On évolue, le temps des choix est déjà révolu. Je dois me jeter à l'eau, mais je redoute chaque cap. 24 ans et déjà KO, mais je dois sauver ma peau. Voilà, en ce moment là. Petit aperçu du live d'hier soir. Ce soir, ce sera encore mieux. Tout petit. Toujours mieux. Toujours mieux jusqu'à la fin de semaine. Toujours plus haut. Toujours plus haut avec cet album qui est dans les bacs depuis lundi. Ça se passe bien, même très bien pour l'album. Hein. Ouais, grave. Jeunes entrepreneurs. On a des bêtes de retour. Il était longtemps numéro 1 sur iTunes. Je crois que là, il est numéro 2. Coldplay, ils nous ont dépassé. Ah, Coldplay. Petite concurrence avec Coldplay. On est un peu, ouais. On se tient à l'écoute. Et bêtes de retour. Franchement, on est content. On est très, très, très ravis. Et bon, on va diffuser un morceau extrait de l'album, c'est parti, d'entrée de jeu, on met le comme ça. Yes, ça comme ça. Allez, comme ça, c'est l'entourage sur yeah. Encore une soirée dans Paname, le lendemain les gens travaillent. J'ai pas d'entrave, je sors tard et je rentre ravagé. Bégo calciné, au sol avec mes bandes à entassées. Je sors, le temps d'enfiler, mon pantalon froissé. Il fait un temps à surfer, une soeur m'a dit qu'elle sortait. Avec ce que j'ai absorbé hier, j'ose pas l'embrasser. On partage un sorbet ensemble, on se remet en scène. Des sornettes et je repense à l'an passé. Comme chaque été, chacune de mes têtes était sous grosse cam. Dans le zoo, à péter des tailles de Zubrovka. Avec des sous pour mes poches, trop. Pour remplir les poches, on les pochoirs, les poches. Chiche kebab, sauce poche. Chiche que demande le peuple, je me contente de peu. Peu de monde le peut, moi je peux. Avec autant de vœux, j'entends les puffs, puffs, t'es tout grasse. Mon ref, si t'es pef, fait n'est tout as. Je débarque dans la fête, c'est la traque. Je suis insolent, tel un dragueur. J'ai fini la tête sous un collant, tel un braqueur. Je sais m'y prendre, bébé, c'est mi pro. Je suis semi-pro, je parle pas que de ce micro. J'aime les bitches comme ça, qui font des clips comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites comme ça. On voit une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule à split comme ça. Si t'as de la tif comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. Le 14 juin, c'est l'Olympia, l'entourage. Je reste brave, c'est ça. Dans ma vie, je suis le king des stars. Je suis la bandit de ville qui te guettera. Oui, c'est la routine qui fait devenir mémoire. Très calme, le mécra. Mais si tu me casses les proues, je te quiebra. Vrai save, Westside. De Paname, c'est mon Jekyll, ne t'espère. J'aime pas ton avis si tu n'as pas le sang chaud, gros. Je mets le montre à pied, c'est un train fantôme. Lâche l'affaire, toi tu peux être les plombs. Moi, y'a que pour les bières que je préfère les blondes. Je fais partie de ces gens trop sincères pour ce monde de vicieux. Donc j'ai pas prévu de plan B, mais tu m'as jamais vu trembler. Pourtant, une vie peut s'échanger contre des mille E. Pendant que je longe les videux, viens pas parler du danger. Faut des bas souffres d'une atroce stérilité pour te duper. C'est les filles, bien que les salopes ne cessent d'imiter. Je suis qu'un homme, j'aime les femmes à forte fertilité. Mais je préfère mon équipe que seule la mort devrait diviser. Si je prétends pas résoudre les problèmes du monde, je veux juste être honnête avec mes collègues. Ne jamais déconner pour le gros derge d'une blonde. J'ai une dent contre ce pays que les commerces surplombent. J'ai des bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites comme ça. On voit une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule à split comme ça. Si t'as de la tise comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. J'aime les bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Un jeune entrepreneur dans les bacs comme ça. Hey, je préfère les petites comme ça. Envoie une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule un split comme ça. Si t'as de la tise comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. J'ai grandi dans le 15 près des halls, les immeubles et près des sournois. C'est quand t'as plus d'oser que les gens les voient. Y'avait des gens bizarres mais surtout des bastons. J'allais au Champ de Mars à la recherche de pastes sous pastis. On était clean, hold black avec de la weed comme ça. Avant que le fix up ça, on a tout mis dans ça. C'est l'entourage et le morceau s'appelle comme ça, c'est extrait de Jeunes Entrepreneurs dans les bacs depuis lundi. Et petit à petit ça se remplit dans le studio. Petit à petit. Il y avait un qui était à l'heure hein, de toute l'équipe. Hein. C'était moi. Voilà, 2h, très bien, bon élève, bravo. Toujours. 2h, il est toujours à l'heure, 2h. C'était comme ça les enregistrements aussi, c'était un bordel pour tout le monde. Ouais, sauf en Ardèche, ouais, on était tout le temps tous là. En Ardèche. Sinon à Paris, ouais. Je comprends pourquoi je te disais au début que c'était pas gagné. Je comprends un petit peu mieux, ouais. Bon bah on les attend d'une minute à l'autre. De toute façon il y aura un gros live de prévu. Comme ça. Le 14 juin il y a aussi un gros live de prévu. J'espère que vous serez à l'heure. À l'Olympia. Écoute, là on commence tout juste à se préparer là. Et ça s'annonce très très lourd, ouais. On se prépare maintenant pour être à l'heure le 14 juin. Où il y aura quoi? Des combinaisons? Tout sera basé quand même sur l'entourage. Et Il y aura tout ce que les gens veulent. C'est-à-dire tous les titres qui ont bien tourné, tous les titres qu'on kiffe jouer, peut-être des exclus aussi, on est en train de préparer ça, mais en tout cas ça sera un gros rendez-vous à ne surtout pas rater. Bon, et au sein de l'entourage, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Il y en a certains vont sortir, bon il y a les projets escrocs pour vous, un 995. Chacun ses projets solo. On continue en fait comme on l'a toujours fait. Il y a l'entourage continue à vivre via les projets de chacun. Il y a tout le monde prépare des projets, que ce soit en groupe ou en solo. Voilà. Ça continuera comme ça, on reste sur la même ligne directrice. En vrai, même en ce moment même, on enregistre des sons chacun de notre côté. Et, comme on est souvent en Blackboard Studio ou ailleurs dans un 995 dans leur studio. On est toujours posé en studio, GVS aussi. Chacun écrit, chacun pose, on s'arrête pas. On continue tout le temps. Est-ce que c'est pas le truc qui va être compliqué justement par la suite? C'est sortir les projets au bon moment, ouais. C'est pas se marcher les pieds les uns sur les autres. Non. Mais c'est un truc qu'on nous dit tout le temps. C'est vrai que parfois on se pose des questions, mais en vrai de vrai. Bah, quand on est un collectif nombreux comme ça, c'est normal. Bah, des fois ça marche aussi. Les projets sortent en même temps. Il y avait le projet d'Alpha et Dean qui l'ont sorti le même jour. Ouais. Ça fait limite encore plus parler des deux. On s'arrange. Ils ont vendu tous les deux 2 millions d'exemplaires. Voilà, donc comme bon quoi, succès. En 24 heures. En 24 heures. Faut préciser quand même. Non mais c'est pas un truc voilà qui vous perturbe plus que ça pour la suite. Pour l'instant on profite plus de notre productivité. Tu vois, on sait pas jusqu'à quand ça peut durer, on sait pas ce qui peut se passer demain, donc autant profiter à fond de tout ce qui nous arrive quoi. Et c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait. Bon bah écoute, un extrait de l'album Jeunes Entrepreneurs, qu'est-ce qu'on met maintenant? Fous la merde. Fous la merde. Vas-y. Fous la merde. Fous la merde de 75. Ah, 75, les images sont arrivées. Moi, j'ai envie de passer 75 parce qu'il y a un clip qui vient de sortir. On va passer les deux. Parfait. 75 alors. Bon, on commence par le clip qui vient de sortir. Vas-y, je pense. Ça marche. Bah, allez, tu vois. Écoutez ça et mettez le clip en même temps. Essayez d'être synchro. Tiens, dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez du clip. Allez-y, 41759. Sur la chaîne YouTube, l'entourage vidéo. L'entourage sur Skyrock avec le hashtag. Dites-nous si vous avez maté le clip. Et là, c'est le morceau, c'est le son de 75 tout de suite. Yeah. 75, jeune entrepreneur. La tour Eiffel, ouais. La noirceur de la ville lumière. C'est dingue, même les balles dragons des flingues. On s'aère au Max Dog. Viens, la taille de vin coûte plus cher que mon ancien salaire au McDo. Je traverse la mer comme le tropique du Capricorne. L'amant des jolies princesses, l'ami des actrices porno. Allez, embrasse-moi, je suis ton cavalier. Si je suis allé en boîte, c'était pour travailler. Dieu merci, on s'en sort, yeah. Mon flow te détend, je suis une sorte de douche sans sort, yeah. 75 fanables, je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Reconnu par leurs meufs, beaucoup de jeunes envient mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal, banal. Je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Reconnu par leurs meufs, beaucoup de jeunes envient mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal, banal. Oh. Mes francs impulsent des plaques, coupent les tailles des barrettes. Peuvent claquer des liasses dans le coupé, mais non pas une pièce pour le parfait. Certains triment au sentier, creusent des tranchées à l'appel. On a grandi ensemble, j'aurais voulu nous voir avancer en parallèle. Les homies partis nous applaudissent tout là-haut. Un frère au bar au concours du barreau avec son split, sa coupe afro. Mes roues roulent à dos, les boucles sont cool, mais ne les poussent pas trop. Rougueur planquée sous le capot, jeune, je ne donne pas cher pour ta peau. Un grand doigt d'honneur à tous les ex-fraudeurs devenus contre. J'ai pitié, frère, on est des grands auteurs. L'amitié dans nos cœurs, donc on défend nos rêves, c'est inné. Non, je n'ai pas de plan B, le fric, je veux le faire en deux. On me dit que j'ai changé, je réponds, je suis le même en mieux. J'taffe à l'heure où les poivres d'or. Mon place est un hameçon à sous. C'est comme un vrai grabon, je la joue. Col en V, poil au torse, elles appellent ça le gazon d'amour. J'crois que j'suis moi de votre bord. Y'a deux phrases que j'ai jamais dites, pas trop fort et à vos ordres. Qui a fait ta fausse prod, qui a écrit des rap trop soft. Il flippe et part vite en vrille, comme en acrosport. Les filles sortent d'un film, elles sont dans le VIP avec le L apostrophe. Zek, c'est ma sec. Tu crois qu'on joue, tu te cours, guette, on a remis la tech. Au bout du jour, on a rien inventé, certes, mais qui mérite plus ce foutu flou. C'est pas ce que je peaufine quand je m'évade comme Michael Scofield. Je ne vois que des grosses putes, vision macroscopique. 75 fanam, je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Reconnu par leurs meufs, beaucoup de jeunes envient mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal, banal. Je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Reconnu par leurs meufs, beaucoup de jeunes envient mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal, banal. En concert à New York, en concert à Paris. Je fais une meuf à couronne, une autre à place d'Italie. J'ai besoin d'une boussole, je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus où j'habite. Lifestyle de Pacha, je m'amuse quand je travaille. Les rats je suce tellement que tu peux nous cloner avec leur crachat. Bref, pas toujours que de l'air dans mes poumons. Je reste toujours le même, monsieur tout le monde. Je représente mon je représente mon 700. C'est Skyrock et le Planète Rap avec l'entourage et 75, le clip. J'étais en train de le découvrir à l'instant. Yes. Alors, même temps pour quoi ouais. Très beau travail. Qui a signé ce clip? Jules et Joseph. Jules et Joseph, c'est des mecs avec qui vous avez l'habitude de bosser? On avait fait Toujours Là avec eux. Mmh. Et voilà. Bon, ça aussi, c'est important d'ailleurs pour l'entourage et même, je dirais, pour toutes les entités au sein de l'entourage, le côté visuel, ouais, l'image. Il y a un travail autour de ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Depuis le début, on a essayé d'envoyer des gros clips. Et c'est pas facile parce que les gros clips ça coûte cher. Donc voilà, mais on va avoir les bonnes idées. Ouais, c'est ça. Il faut penser, il faut réfléchir. Il faut réfléchir beaucoup. Mais c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des bonnes idées. Donc on essaie de travailler avec un maximum de monde et franchement là sur ce coup-là, on est carrément pas déçu quoi, le clip il déboîte. Donc allez mater 75, le clip ça y est, il est arrivé. Depuis un peu moins d'une heure maintenant. Il est en TT sur d'ailleurs sur Twitter, sur 75 hashtag. Surprise. À l'instant même TT. Bravo. Ah. Et envoyez vos réactions 41759. Tiens, regarde, par exemple, Thibaut qui dit le son était chaud, mais avec le clip encore plus. À la big ça fait plaisir. L'équipe de l'entourage. Merci, allez-y. Yeah. C'est bien, mon gars. 41759. On va vous retrouver en live dans quelques minutes. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de regarder s'il y a une autre partie. Si, si, ça arrive. Tu es en train de surveiller? Je surveille la caméra de surveillance. Ça c'est Watchdog. On va boucler. Ça la boucle est bouclée en effet. On va revenir dans un instant. Tiens, on va écouter aussi une collaboration avec Nekfeu et Ed Sheeran. Ouais, pourquoi pas, ouais. Vous avez écouté ce morceau, je suppose. Bien sûr, évidemment. Bon, Ed Sheeran, c'est un anglais. Il est produit par Pharrell Williams, notamment ce son qui s'appelle Sing. Et Nekfeu a aussi posé. Ouais, c'est ouf. Je pense que là, ça serait cool qu'il puisse nous en parler en direct. Mais il va arriver pour le faire. Mais c'est mortel de faire des collaborations un peu différentes comme ça. On rappe toute la journée sur des instrus à peu près au même tempo. Voilà, là, c'est un peu plus relevé. C'est un peu plus technique, mais. C'est un autre exercice. Le Fennec n'en reste pas moins efficace. Yes. Bon, vous aussi. Big up à Ed Sheeran aussi. Au sein de l'équipe, justement, il n'y a pas de limite sur les sons sur lesquels poser. Il n'y a pas de préférence particulière. Aucune limite. On fait ce qu'on kiffe. En vrai, c'est au feeling. Si, ça peut être n'importe quel style de musique, on s'en fout. Si la prod t'inspire et te donne envie d'écrire, t'écris et tu fais ton truc. Et Jazzy Bass prépare un album de dub actuellement. Et de chansons françaises. Voilà. Dub et chansons françaises. C'est un double CD. Pas mal. Une phase chanson française. Exactement. Et bon, on attend avec impatience. C'est prévu pour courant de l'année. Ouais, 2040. 2040, ok. Allez, on écoute ce morceau Ed Sheeran avec Nekfeu maintenant sur Skype. Une heure sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Ed Sheeran à l'instant et Nekfeu qui fait son entrée d'ailleurs. Yeah, une entrée très star, merci voilà, pour ça. Voilà, tu arrives sur le morceau sur lequel tu poses. Désolé pour le retard. Le morceau qui s'appelle Sing. Un petit mot d'ailleurs là-dessus parce qu'on en parlait juste avant. Il y avait Flav qui disait un petit mot sur Ed Sheeran. Bah écoute, c'est un gars que j'ai eu l'occasion de rencontrer. On a fait ce morceau. Putain d'ambiance, mec super simple, super modeste alors qu'il vend. Oui, donc c'est une vraie rencontre, c'est pas un truc. Vraie rencontre, tu vois, justement, c'est ça qui me plaît, c'est quand c'est des vraies rencontres. Et le gars, vraiment, au-delà d'être un mec qui a un talent fou et d'être produit par Pharrell Williams, et ben c'est un tueur, c'est un mec super sympa. Et donc tenez-vous au courant, il y a un clip qui va arriver bientôt lorsque nous étions tous les deux à Cannes et voilà. Tout ça pour nous dire que monsieur était à Cannes aussi. Ouais, j'étais à Cannes ainsi que toute ma bande de potes quasiment. Ouais. À part Flav qui bosse, mais les autres. On était à Cannes. Ils bossent un peu moins. Voilà. C'est ça le truc. Ouais. Donc voilà, donc enregistré. Le clip donc a été enregistré pareil à Cannes aussi avec Ed Sheeran. Ouais, exactement. Il a été fait, enfin, il est en train d'être fait parce qu'il n'est pas fini par Cyril Boulanoir et du garage qui fait quasiment tous mes clips et tous ceux de 1995, l'entourage, enfin une grosse partie en tout cas. Eh ben très bien, à découvrir prochainement. Là en attendant, y a un clip qui est arrivé il y a un peu moins d'une heure maintenant. 75 est arrivé. C'est comment, vous avez des réactions là? Parce que sur Twitter c'est la folie. Déjà entêté. Ouais. Mortel. Déjà entêté, les réactions aussi, allez-y avec le hashtag l'entourage sur Skyrock. 75 en toutes lettres. Dans quelques minutes il y aura du live. Ouais. À pas louper. Yeah. Alpha One est arrivé aussi, Doom c'est là. Non. Quelques petits problèmes de transport en commun. Ouais, c'était compliqué pour arriver. Allez, jour férié, hein, c'est toujours ça. Hein. Non, mais il n'y a pas d'excuse, gros. Hier, on les a attendus une heure à la gare pour la séance de dédicace à Nantes, puis on est parti. Et nous, on est venus quand même. Tout le monde nous disait, il est où Alpha One? On disait, il est à la gare et nous attend là. J'avais des problèmes de transport en commun. Encore. C'est récurrent, hein, les problèmes de transport. Fais gaffe demain. Bon, on va revenir dans quelques minutes, on passera aussi. Qu'est-ce qu'on a dit comme morceau aussi? Fous la merde! Fous la merde! Fous la merde! Yeah! C'est juste après la pub et il y a le session freestyle qui se prépare aussi. Comme toi, l'entourage a choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est l'entourage sur Skyrock avec l'album Jeunes Entrepreneurs. Je vois qu'il y a certains membres appartenant à certains de vos groupes qui essayent de s'incruster au sein de l'entourage. Sneezy West. Sneezy, j'ai vu passer. Qui ne fait pas partie de l'entourage. Il vient soutenir. Mais il vient soutenir quand même. L'entourage de l'entourage. C'est l'entourage de l'entourage en fait. Bon après c'est compliqué. Hein. S'il y a tout le monde déjà vous êtes une bonne dizaine donc. Après si on monte à 20 ou 30, bon courage. L'entourage de l'entourage, ouais, c'est une centaine de personnes. Hein. Ouais c'est ça le truc. Ouais. Bonne centaine. Une bonne centaine. Bon en tout cas là on a une petite dizaine ce soir avec nous. Et d'ailleurs on va retrouver d'autres membres de l'entourage qui sont en concert. Ce oui, soir du vrai. Côté de Toulouse. Exactement. Nous sommes avec FG et monsieur Dean Bobigo. Ouais. Bien quoi Fred ? Ça va ? Ça va et vous ? Alors quelle est l'ambiance ? Ouais je les mecs, bien quoi ? Ça va ? Dragonia ? Comment va Dragonia ? Ouais, Dragonia. Il y a des gardes ici. Il y a un vrai dragon qui est sorti là. Ah, ici il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre ici. Il y a de la bagarre gros. Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. Ça se passe. Quelle est l'ambiance à Toulouse ? Bah écoute, ça se passe là, il y a des glucks partout, on est là. on est avec Dean, on sort du sauna. Attention au diabète. Voilà. Sortez du sauna avec Dean. On attend les matchs. Ah, ouais. Ah voilà. Il faut les choses quand on n'est pas là. Non, au moins. Bon, tout va bien. FG, alors il paraît qu'il faut s'adresser à toi pour savoir s'il y a une voiture qui tourne soit à Paris, soit à Toulouse. Bah, en fait, on s'est rendu compte que non. On allait, je pense que. Une voiture pour les SAP. Ouais, pour les SAP. Non, mais on a vu à bout à la caméra. Il y a une voiture fantôme, je crois. Ouais, voilà. Une voiture fantôme. Ça arrive demain, on refait ça demain, je pense. Bon, donc ce soir, concert à Toulouse. Concernant Toulouse, on vient de sortir le clip de 75, tu l'as vu ou pas Fred? Ouais, bah on l'a vu ensemble, je l'ai mis aussi sur skyrock.fm, on l'a vu en même temps, très très beau clip, très réussi. Merci. Big up à Jules et Joseph pour ce clip, yes. Surtout. Et je sais pas si t'as suivi d'ailleurs FG, beaucoup de réactions, hein, beaucoup de messages. Ok, bah là Dean il m'a dit qu'on était entêté apparemment, ouais. Donc vas-y lourd, continuez de soutenir. Bon tu reviens, vous revenez demain? Ouais on revient demain, on est là demain, je crois que l'escroc ils sont en concert par contre demain. Ah. Ouais. Demain, ce sera le escroc qui sera. On se croise. À Compiègne. On se croise sans cesse. C'est le 3-8. Et voilà, on passera un coup de fil au escroc demain, juste avant d'entrer sur scène. Ouais. Yes. Grave. Et bah, bonne soirée. Tiens, on va mettre un morceau, peut-être pour l'ambiance concert de ce soir. On avait promis, Fou la merde. Fou la merde. Vas-y. Fou la merde. Hier, on a fait un concert avec FG et Dean, tout c'était chaud. Ouais, on l'a fait. On était hier en concert dans 7-7. On l'a fait, c'était plein. Manny le Hongre Zoo. C'était lourd. Et on écoute maintenant le morceau. Merci FJ, tu salues Dean et bon concert ce soir. Vas-y, à Toulouse. Allez les gars. Ça, les ciao, les ciao. Salam. Vas-y. Fou la merde. Pas de pute dans mon entourage, fous la merde. Pas de pute dans mon entourage, fous la merde. Pas de pute dans mon entourage, fous la merde. Pas de pute, elle en l'air. Pas de pute, pas de pute dans mon entourage, fous la merde. Pas de pute dans mon entourage, fous la merde. Pas de pute dans mon entourage, fous la merde. Pas de pute, elle en l'air. Pas de pute. Faut que ton crew ça le pédale, ça bouge à peu tout, nave écoute, ça fait clair. Rien qu'on fait des classiques. Est-ce que le nom de mon camp, y'a que dans l'ombre qu'on tranche. Pour pas finir aux assis, souvent dans un camouflage vert kaki. L'ambiance est pourra bien détruire à sa vie certes. Là oui, ici tu perds ta vie, on pique ta mère assise. Une bonne paire de Nike dans la tête c'est facile. Le reste est entouré donc on fait ça à notre manière. Bientôt le L est en tournée donc prenez garde à vos arrières. Bitch. Et toi dis-moi pourquoi tu causes, on est au festival de cap, toi tu traînes à la foire du trône. A l'inverse de la langue française, je ne tolère pas de faux amis quand j'entre en scène. Je fais de gros dégâts donc aux abris, les vrais me reconnaissent, les autres connaissent de beaux habits. Rap, style, magie, c'est l'heure de la pète et au tapis. Ils ont la faute à qui, si on parie trop la nuit, un jour un pari qu'on m'a dit. Si on salit trop la vie, plus tard j'ai pu le voir. On te crache dessus quand tu perds, on te suce la bite quand tu gagnes. Un billet pour le bagne, tel des vices créés. Ici les amitiés tournent mal pour le cash. J'crée des chansons inspirées par le gros shit. Et je sais que les gens ne sont guidés que par le profit. Pas de pute dans mon entourage, sous la merde. Pas de pute dans mon entourage, sous la merde. Pas de pute dans mon entourage, sous la merde. Pas de pute, elle en l'air. Pas de pute, pas de pute dans mon entourage, sous la merde. Pas de pute dans mon entourage, sous la merde. Pas de pute dans mon entourage, sous la merde. Pas de pute, elle en l'air. Pas de pute. On vient vous la mettre sans stress. Ça fout la merde, nous entraîne. Red ou boule à Z, roule la Z. Serre un grand verre. On part tous avec des trentenaires, mlè. Vie de trader, un verre de Jagger. Et nos coups d'haleine te transpercent à travers du bled. Ou bien des bas font de la jungle urbaine. Tiens, tu t'es. Face à l'escadron, tu n'as rien pu. Les insurgés qui font se mettre face, ça se passe. On aime pas quand ça part. Une grosse passe dans ta face. T'es KGB, bébé. Pour caresser ta 4CB, faut pas rêver. Bébé. Tu vas apprécier d'être à mes pieds. Y'a des choses à se faire, la plupart des fils sont séduites par le mal. Fous la merde comme Zamina, c'est Rio, festival de cœur. Fous la merde. Ouais. Dans ta ville mentale qui glace des gueules. Calme des gums qui regardent mal sale, des tiers, s'éclate des keufs et fous la merde. Vas-y, vas-y, vas-y, fous la merde. Pour mes boucles, la TS qui te couche et te mettre des coups par terre. J'ai une tonne d'appels, j'pédave pas comme Bombardier. Tu veux boire un bon coup, j'ai de la frappe, vodka pêche. Et fais pas l'appel, j'ai ton chat à fouetter. La mise, donc c'est pas la peine d'être là à souhaiter que j't'appelle. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. T'es qu'un bouffon, va te quitter à petite tasse. T'es qui? Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. Espèce de barba, t'es qu'un petit plat. L'entourage, 2013, Paris. Nord, sud, nord, est, ouest, jusqu'à l'infini, bande de petits putes. Pas de queue dans mon entourage, sous la mer. Pas de queue dans mon entourage, sous la mer. Pas de queue dans mon entourage, sous la mer. Pas de queue, elle en l'air. Pas de queue, hein. Pas de queue dans mon entourage, sous la mer. Pas de queue dans mon entourage, sous la mer. Pas de queue dans mon entourage, sous la mer. Pas de queue, elle en l'air. Pas de queue. N'oubliez pas le 14 juin à l'Olympia. Jeunes entrepreneurs dans les bacs, l'entourage. Fou la merde à l'instant, c'est extrait de Jeunes entrepreneurs, l'entourage avec nous entre 20 et 21 dans Planète Rap. Bon, je crois que définitivement c'est mon son préféré. C'est vrai? Ouais. Je kiffe trop, il y a trop d'énergie. Fou la merde comme 113. Voilà, à l'instant, fou la merde sur Skyrock, c'est extrait de l'album Jeunes Entrepreneurs. Avant de vous retrouver en live, dans un instant, il y a aussi le freestyle par téléphone avec un tour du côté de Phare dans le 57. Lyric Punchliner. Yeah, yeah, yeah. Ça va bien? Ça va et toi? Tu connais l'entourage, toute l'équipe? Je connais l'entourage. Et bah parfait, juste avant leur freestyle, c'est tiens. On t'écoute, c'est parti? C'est parti. Allez, go. Yeah, Lyric Punchliner, en direct de Phare. 57-450. Laisse-moi, j'attends de voir de quoi sera fait demain. Laisse-moi, laisse-moi. Ok. Chaque jour est une histoire, je visage, on manque le rivage. Vivre à les marches sur mon visage, zigzag me mène une visage. La rage dans les yeux quand tu fais mon temps, je tombe, t'apprends. Voyez ton camp, tes potes et même tes plans. Voyez ta belle, sans plus de qu'est-ce t'attends. Un jour tu fous la merde et l'autre jour tu te prends, je suis mal, je sais pas. Comment trouver les mots, et pour tout te dire, cherche pas, sois pas. Faire du mal que t'as fait pour t'en sortir, tu gardes espoir. Mais vu que rien ne va, tout s'empire, trop de façons de vivre, plus de ressenti. Chaque chute t'éloigne de tes rêves petits. Dans ta vie, t'as des projets, les étoiles tu peux décrocher, trop de fois t'as donné sans reprocher. Ton compte était fauché, on partira poussière, mais du temps à pousser. Regrette les joints, continue à pousser, nostalgique de tout ça, trop de trucs qui passent pas, pour toutes tes potes que la mort a couché. Même si on se tourne le dos, couvre-moi pas de cinéma, dans le haut d'en marche, tu me calcules pas, je sais que t'as mieux à faire. Fais comme les autres, tu tournes la page, tu reviendras sur la même histoire, mais c'est bon, moi je n'aurai plus de temps à perdre. Même si on se tourne le dos, couvre-moi, yes. Ok, pour à l'instant, Lyric Punchliner. Et bah, l'album est dans les bacs, disponible via toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Deezer, Lyric Punchliner, la page Facebook aussi, LYRICKPUNCILHNURZ. L'entourage, big up à vous, c'est très fort. Bah, en fait, merci à toi. Lyric Punchliner à l'instant en freestyle dans l'émission. Autre freestyle, c'est le vôtre si tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. DJ Elite est là. Toujours là pour freestyler. C'est quand vous voulez, session freestyle dans l'émission. C'est parti, coup d'envoi. L'entourage avec nous. Jeunes entrepreneurs. Zion. Invasion en live. La hype, je connais le tableau. Ni qu'un vernissage. Quand y'a des billets à ma table. Ni qu'un vernissage. Genre. Pull up, Elite. Pull up, moi ça. Dieu, on est parti. On est reparti. Jeunes entrepreneurs dans les bacs, invasion en live. Jeunes entrepreneurs, l'entourloupe, bébé. Ouais. Invasion, prépare l'invasion. La hype, je connais le tableau. Ni qu'un vernissage quand y'a des biatchs à ma table. Ni pervers missage. Genre, ramène tes copines ce genre de bonasse. Fais-le pour mes potes, ils sont palés. La pute habite une chambre et bonne. Mais je suis rentré dans son palais. Quand tes parents sont pas là, un son calé et mon son calé. T'enlever sans même un seul câlin. Pour les traces sur le sol, y'a du sopalin. Before, after, before, after, before, after. Before, after. Les bouches se collent et les colles se bougent quand les connes rigolent, les connes. L'économie coule et dès que la nuit tombe, les connes rigolent et les collègues colériques connaissent se couchent. Si t'as raté les gros titres, je suis sidéré par les groupies. Y'a ma zik à la télé, y'a pas de fumée sans feu, sans feu. Pour la cigarette électronique. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, défie dans le lit, dans le viseur des nazions. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, défie dans le lit, dans le viseur des nazions. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. Jeunes entrepreneurs, yeah, yeah. Ici les plus criqués rapportent du blé. Invasion, prépare l'invasion. Défi dans le lit, dans le viseur des nazions. Yeah. Le truc est dans les bacs. Yeah. Jeunes entrepreneurs, yeah. 14 suites de malades, canapé en cuir. Cuisse de mama, odeur de weed, de salade mélangée à l'huile, de massage sage. Les corps se rapprochent, on est tous en sueur. Ça prend tout son sens pour ma puissance. J'aime les bons rapports dans la distance. Quand ta va, je veux entendre oui. Tais-toi, fais ça gentiment. Tu seras une petite poulette qui décoiffe. Déscolarisé, remords-moi Babtour, Romain Michel dans les on a misère. On manigance pour les Lova Biggins, pour les modalités, faut que la moralité. Cherche-moi dans le boli. Oli, parmi toi les lèvres. Oli, oli, noir et beige. Sors-nous ton regard exotique. Tu veux nous ressembler? Bande de nazes. Si y'a des familles, je peux prendre de l'âge. Si t'es comme ça le pute, tu peux prendre ton tarma. Si y'a pas de pub, je reste un gentleman. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, défie dans le lit, dans le viseur des nazions. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, défie dans le lit, dans le viseur des nazions. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. L'île de France, c'est pas le désert, ici le plus criqué rapporte du blé. Fichez le camp, d'épouvantables idées me hantent. Prendre un couteau et de déchiqueter le ventre. Si j'ai le temps, mais je cite les deux chambres. Je perds l'équilibre entre le yin et le yang. On est tous faits d'ombre et lumière. On fait que lutter dans les bas-fonds de l'utèse. Débilement pour des billets de banque. Les sportifs et le grand. Viens pas gratter l'amitié. À moins que tu soignes de cette aspécialité. On va faire un tour dans ma cage d'escalier. Je ne savais pas qu'on serait ce nom. Ramène une pote, une vraie guenon. Ramène une pote, même un laideron. J'ai des chiens de la casse qui l'aideront. La télévision vous désinforme. Les poulets aiment se battre plus que préserver un homme. Nous aussi, mais dans les règles de l'armée. T'enlèves ton armée aussi, t'es un homme. Je pourrais tous vous tuer, ne me tentez pas. Saloperie, je vous carbonise. Je ne flirte plus avec la folie. J'ai sauté d'une falaise en lui mettant des doigts. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Qu'est-ce qui se passe, yo? Yeah, yeah. Lyon jeune, entrepreneur, il fallait que je rebondisse sur le tempo. Les mêmes potes, toujours dans la même place. Tu vois que ça se passe, toujours efficace, toujours chaud, toujours classe. Rien à dire de plus, ça part, fais bouger ton bucaga. C'est comme ça qu'on le fait, tu vois bien mec, je suis chaud comme butagaz. Si j'explose, tu vas voir que ça va faire mal. Je suis posé avec mes gars, avec Framal, avec le fond qui flave, Doom Mams, Jazzy Bass derrière le mic. C'est comme ça qu'on le fait, tu vois mec, c'est de la dynamite. Aïe, qui enchaîne après As. C'est comme ça qu'on le fait, le truc est efficace. C'est l'entourage, ne parle pas de retour parce qu'on n'est jamais parti. T'as beau dire que tu t'en tapes, tu connais par cœur la discographie. Depuis 4 ans un truc se passe, dis-moi qui peut nier. On a placé quelques frappes, le rap français s'est remis à briller. Billet, aussitôt gagné, aussitôt réinvesti. Lâche le micro, t'es fané, tes placements sont imprécis. V6, sous le capot, DMC sous le drapeau. Objectif, rendre les foules par haut et finir tout là-haut en équipe. Et puis si ça merde, nique sa mère, j'ai d'autres affaires, jeunes entrepreneurs. C'est pas qu'un scud, c'est pas qu'un nerf, non, c'est ma life, bébé. Je me lève le matin pour que ça le fasse. Et que demain, enfin, ne voit plus leur sale face à la télé. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Ok, yeah, yeah, Mekra, Westside, oh, oui, Mekra, sur le funky beat, check it out, Mekra, quoi, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, le soir je pisse du colal, convertis une bonasse, trop de connards font naufrage, ça flippe une osame, à 15 dans un 5 cam, vous serez comme mon place, posé dans un camos, fake bonne bombasse, chien de la casse, tu siffles les moches et ça c'est illégal, j'aime les femmes qui kiffent les hommes mais pas les petites pédales, t'as pas de talent connasse, connasse, mais qu'est-ce que tu veux savoir, j'ai pas de cunilingus, je donne pas ma langue au chat, j'aime pas l'état et la bédave et toutes ces tâches étanisées, j'ai fait le vrai gamme et les vrais sables, tu fais que les paris balisés, si tu connais pas, je fais que péra, ça hache, j'en pide des sales petits, j'avais toujours les mêmes, ils savent comment les brodés s'animer. J'aime le bitch comme ça. Quand je sais d'amener plus sombre désir. Ici les gens se trompent des mouvements. C'est le vice qui comble les vides. Et le temps passe. Ouais, je peux te dire que je veux le titre innovateur. Moi sous peu, je rime avant que le feu se vide. Faut qu'on m'idolâtre. J'évite les mythomanes. Ils perdent des kilogrammes. À force de nous envier, des bandits et c'est immoral. Je prends ça à la rigolade. Vu que c'est psychopathe, disent de la merde. Microphone en guise de vibromasseur. J'ai ce sentiment de faire mauvaise impression. Mais pourtant, pour que fasse de la merde, faudrait roguer l'ingé son chef. Fracasser la rime et saccager Paris. Je vais faire passer ma vie à me poser plein de questions. Mais je sais que je suis l'un des meilleurs. Tous les mecs qui me suivent, fuck leader. Programmer tous tes mensonges, j'ai même pas besoin d'un détecteur. Comme d'habitude, je remue le couteau dans la plaie. Trop de flow, je pèse des tas de pipes sous l'eau en apnée. J'ai des bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça. Ça fait ça dit comme ça. Y'a pas que des filles comme ça. Dans un lit comme ça. Je préfère les petites lobes ça. Envoie une tige comme ça. J'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça. Roule un spiff comme ça. Si t'as de la tease comme ça. On passe une nuit comme ça. J'ai la galère dans Paris comme ça. Pour ma horde kicker, j'ai grandi dans le 15, c'est des hauts des immeubles et près des sournois. C'est quand t'as plus d'oser que les gens disent au revoir. Y'avait des gens bizarres, mais surtout des bastos. J'allais au champ de Mars à la recherche de pastos sous pastis. On était clean, all black avec de la weed comme flamme. Avant que les flics stoppent ça, on a tout mis dans le sang. On prépare un attentat, sortez vos agendas. Femme est dans les bacs, le 14 juin c'est l'Olympia. Ouais, sortez vos agendas, on a lâché un attentat. L'album est dans les bacs, le 14 juin c'est l'Olympia. Hein? 14 juin c'est l'Olympia. C'est vrai, c'est le 14 juin, y'a des places. Tire, quoi? Le 14 juin c'est l'Olympia. Quoi? L'album quoi est dans les bacs. Quoi? Je suis la vérité, la stricte, ouais. Je suis dans ce rap, je crois pas que ma team veut, ouais. Je suis taillé dans le bois le plus dur d'Afrique de l'Ouest. Laisse l'espère. Je check la ligne droite, tu cherches à faire du gangsta shit, je crois. Ton album sonne comme Dance Machine 3. Tu veux voir en chien, peut-être qu'on est dans un game où très peu d'anciens baissent. Je vais pas rapper jusqu'à 35 berges. J'assure le medley en prime time. Je suis classé mortel comme un drive. Vaillant Bentley, ils veulent que je mange des tartines de merde. Faut que je marque vite ce siècle. Mes babines, je lèche. Faut que des bad bitches me servent. Des marmites de Dieppe. La voix m'ignore. Tant que le bif me sait, le bitch le scène. Puis je vide le sel. J'ai pas la voix mignonne. Faut que t'analyses le 16. Mon sort est scellé. En train de célèbre ou exceller. Pour la suite de mes essais, le Mercedes, c'est celle est nécessaire. C'est l'entourage, bâtard. Jazzy Basque. Hey yo, microphonique, prise de contact. J'envoie une mosaïque de rimes cinématographiques dans les panoramiques de 12-15. Je veux vivre de mes textes, kick et faire de belles perfs. Nique le Medef, fiat l'épicier que j'appelle chef. J'ai mis le rap avant tout, la fac, les straps, les femmes et mecs, des fois ça rend fou. Yo, laissez place à mon crew, nique la passivité, je suis toujours en activité. Mec, je dois faire mon taf, question de responsabilité. Tu peux m'estampiller, cous, on est validé. Ils donnent dans la quantité, nous dans la qualité. Et y'a du pain sur la planche, on inclut ma bande parmi les pointures qui te ceinturent. Et te mettre du flingue sur la tente. Laisse les photos d'affaires. Tu peux photographier. Yo, on brûle tous vos textes, mec. Photo d'affaires. Ouais, je suis devenu un homme. Faut que je tue l'insomnie. Donc je fais des putains de bonnes rimes. Puis je débute un somme. Mon rap est goûteleux. Je vais bouffer tout le jeu. Mec, tu te doutes que on goûte beaucoup de bœufs avant le couvre-feu. Le coup est douloureux. T'es choqué, mais je peux sauter plus haut. Les gars, toqués, approchés au zéro. Des à côté du faux. Je vais grogner pour donner du flow. Étoffer mon palmarès. Mes projets apparaissent. Pas d'overdose car aucune maladresse. Je veux la sagesse, mais je suis de la nouvelle école. Je vais redoubler des avant de monter, retrouver les morts. On a lâché un attentat. J'ai jamais dit que je venais de la street. Je viens du ventre de ma génitrice. Entre deux mondes, un génitrice, un jeune en crise. Les mains moites sur le mic, je mate acoustique. Je dors au stud sur un mat, la mat acoustique. Rafale dans les conduits d'un air absent. Rentrer en centre, trempé dans les combines d'un air absent. Ouais, je rêve de beau tant comme un ordi quand il pleut. Je t'insulte autant que mon ordi quand il pleut. Si sera dans tous les caches, ton cul. Allez, dégage ton cul. Si t'as rempli ton cul avec tes caches, ton provocateur, même j'ai l'état et les médias mangèrent. Le gère, poire gère, taille et c'est le diamant. Je suis pratique, des gens trop sincères pour ce monde de vicieux. Donc j'ai pas prévu de pleurer, mais tu m'as jamais vu trembler. Pourtant, une vie peut s'échanger. Quand je le vide, pendant que je longe le vide, ne pas parler du danger. Vos débats souffrent d'une atrocité limitée. Pour te tuer, c'est les filles, bien que les salopes ne cessent d'imiter. C'est qu'un homme, j'aime les femmes avant de fertilité. Mais je préfère mon équipe que seule la mort devrait diviser. Et je prétends pas résoudre les problèmes du monde. Je veux juste être honnête avec mes collègues. Ne jamais déconner pour le gros derge d'une blonde. J'ai une dent contre ce pays que les commerciaux. Tu mets des coups d'épée dans l'eau, l'affreux, on se propage. Prépare tes acquis et on fout le feu comme des Ghost Riders. Il faut que toutes les mains se lèvent. On rime façon West Coast. Gangsta à la West. On voit que les ennemis, mais skin ils se croient peut-être trop. Ça cartonne comme on rallye, au carton même sans rallye. Mes alliés se rallient, mental de patron. On ne dit pas pardon, y'a que comme ça que tu seras libre. Si je tombe à Fleury, c'est qu'il y a un beau million à prendre ou qu'il y a une tombe à Fleury. Les deux traits vont prendre des pralines. J'ai pas vu de boulot tendre, faut prendre pas de crâle gros. Ils ont la boule au ventre, on a des abdos. On est une jeunesse prometteuse à la Corey Guns. On fera ça, on brassera des dollars à la Donald Trump. Ne sous-estime pas mon équipage. On est des pirates de haute mer. Les primates de transfert pour ton héritage. En saison estivale, on se balade sur les plages. Brioche à l'air avec la festina. Vissé sur le poignet, le schlasse. Viens planquer dans le champ de bain, demande à Val. Quand j'aurai le tirage, me tire à Saint-Domingue. Est-ce que tu captes, niggas? Les plumes de bookmaker pour mon gros la rage de vin. Et notre devise, donc embrasse mes flingues. Si t'es pas content, je te rentre dedans qu'on se dise. Avec mes sauces maliens, on se faufile dans des appartements. Boss maliens, en jogging. Dis-moi pourquoi tu te lèves. Je porte le poids du glaive, les darons sont venus droit du blé. Dis-moi pourquoi tu te lèves. Je porte le poids du glaive, les darons sont venus droit du blé. Pourquoi tu vises le doigt du ciel, le renoi du siècle. C'est moi, mon rap c'est franc. Toi ton rap c'est faux, ton rap c'est vendre. Mais je sais qu'il y a une brebis sous ton aspect faux. Une page se tourne, 9-5, entourage de fou. Partage le flou, si tu veux voir Falcao Vaguette, un match de foot. Je suis plus proche du but que toi, même si ça se bute le soir. C'est pas la rue que je squatte, j'ai plus qu'un speech. Qui veut que je sois. Ils veulent juste que flingue et plus de swag. Mais chic oreille le parquet. Ouais, j'ai plus que faim, j'ai plus que soif. Certains négligent les codes pour que leur disque décolle. Ils disent des conneries, c'est M6 déconne. Mon iris traduit puis je récolte. Les fanatiques s'écorchent la voix sur cette merde. N'importe quel bitch l'école. Mon père m'a semé, c'est pour lui que je récolte. C'est pour lui que je récolte. C'est pour lui que je récolte. J'ai 20 piges, je quitte l'école. Braque l'avenir et vite m'école. 95 gang, l'entourage, yes, screwboy, jeunes entrepreneurs. Ça fait jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, yeah. Peut-être que les vêtements, et non, y'a pas que les vêtements. Je pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Ceux qui respectent le règlement ne le respectent pas correctement. Comptez les miettes dedans, c'est tentant, mais les mecs se pendent. Cependant, tout le monde s'étend quand c'est le dernier temps. Check le bête de gants quand j'entre en transe, phénomène étrange. Quand j'entends, t'entends, dans les têtes de bord, je les traite ouvertement. Ton temps, je lave le neuron en blanc, je quitte le béton armé. Faut pas dégainer ton arme ou la vague de bête de vêtements. Je resterai ce temps, mec, je sais que j'ai le cran. Si ça transperce, c'est que tu penses que la base serait peut-être blanche. Je suis passé Paris, sud-sud, change de visage. Vitre teintée, BCBA, c'est dangereux virage. Et les gens sur le boulevard se guettent. À cette heure-ci, les SDF ne font plus la quête. Ils payent à leur tête. À leur taille, à propos, piston, monte le son, fait tourner la liqueur, histoire de rêver. Même si demain, RTV à 8h, on se met des tours de périph' dans la vue. Des bolos dans l'équipe, y'en a plus rien que 2-3 fêlés dans la rue qui tentent leur chance. Faisons dans le bon sens, obsédé par la thune. Mais en cas d'abus, supplice, sentence. T'as vu, allez, viens, on roule, roule jusqu'au lever du jour. Baisse ta vie, y'a pas d'embrouille, on reste cool sur le parcours. J'en peur à trop de suceurs qui me foutent le seum. Fermez vos gueules si on est chum. Vous êtes tous plus chum. Je suis ce jeune parisien américain dans l'état d'esprit. Prends rendez-vous avec ton médecin les chiffres. Ici en plus des gouttes de pluie souvent les couples. Le crew est fait de vrais amis. À ton avis, pourquoi les putes se retrouvent toutes seules? J'écris des rimes, j'envoie des torgnoles de malade. Et pourtant j'ai pas lu de livre depuis Tom et Nana. Je sors du mordor de balade. Viens la bonne drogue et balade. Pensez à nos proches pour qu'ils l'horloge s'en va la base. Debout, je vois voler les corbeaux, j'ai besoin de joindre les deux bouts avant de recoller les morceaux. Ça fait jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune. Putain, c'est quoi les boys? On est avec le L, tu vois ce que je veux dire, des cracheurs de flammes, tu connais le man. C'est le fucking doom, même rien à foutre, on fuck les traites. C'est comme ça que ça se passe, on arrive avec ton méga. Ah, yo, qui ouais. reprend la rime, qui reprend la flamme. C'est yeah. comme ça que ça se passe, yeah. vas-y balance ça, yeah. m'amène. Yo, on a la flamme, on va te renier si tu fais du toc. Jeunes entrepreneurs, ouais mon pote, premier du top. Ouais. C'est comme ça qu'on le fait, ouais. on fait tout en ouais. autoprod. Laisse les faux MC conduire des motocrottes. Aïe, autour de la table, le micro tourne comme une tasse. On change d'aspect, tu vois bien que le mic, je l'ai. Mic check, rien à foutre qui enchaîne ça après. C'est mec le fenec, ouais mon pote, je croyais quoi que tu rappais, hein. Tout comme on dirait pas, faut tirer de là. Je m'amène mes cras à le Jack Dani. Nous on fume comme un Rastafari. À Paris, ambiance guépard. Ambiance safari, pas de problème. Toujours Philippal. A, W, double pied, tu connais mes initiales. C'est le double P. Je suis super tigeant. Si tu veux que ce mot, ouais, je t'offre le petit. Pas de problème, regarde les hauteurs, je vise. Pas de problème, Ralph Lauren, Polo hors de prix. Polo hors de prix, et l'album est aussi. Tu vois ce que je veux dire, bientôt l'Olympia avec ma famille. Je suis entrepreneur. On coupe, mais on continue, c'est comme As. Rien à foutre, c'est Dooms qui arrive avec eux, c'est Rapia. On est autour de la table, c'est comme ça que ça se passe. On va faire tourner le mic comme la roulette, sale tasse. Est-ce que tu vas lâcher des flammes? Vas-y, lâche-nous un dernier 4-4 avec le Alpha et le Nec. C'est l'entourage, mon pote dans le crew, il n'y a plus de traite. Si tu fais le fou, on va te violer comme le pull de Fred. Connect le connect, prends le mic, ça fait mal. Ça fait vibrer les pétas, c'est les gars qui fument des pétas. Flingue frappe comme Carteron. Tu lances l'eau autour de la table ronde. On parle de bif, on parle de sud, on parle de rond. Pas de problème, j'ai le Ralph le bon. Le bien accordé pour la saison. Pendaison, c'est la pression, c'est l'agression. Philly Flingue représente pour l'entourage. Jeunes entrepreneurs, c'est l'heure de la pression. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, c'est dans les bacs depuis lundi avec le live à l'instant. Merci à vous tous. Ça ne peut pas être fini, Fred. Elle apostrophe. Malheureusement, on approche de la fin. Ok. Mais vous, en plus, êtes en concert demain, le Escrew, là. Ouais, nous, on est en concert, ouais. À Compiègne, il me semble. À Compiègne, dans l'Oise. C'est ça. Et bon, on passera un petit coup de fil demain. Senzu Tour, merci à tous ceux qui viennent nous voir, qui nous encouragent. Hier, on jouait avec Bigot et F, et c'est trop chaud, tu vois. Tout le monde sait que quand ils viennent nous voir, on est au top sur scène. On va faire un freestyle téléphonique, nous aussi? Bah, si vous voulez, demain. demain, freestyle, on prend en rencard avec vous demain. On vous accompagne à Compiègne. Juste avant de demander, voilà, exact. Ok, quelle belle rime riche. Ouais. Et voilà, jeunes entrepreneurs est toujours dans les bacs, donc n'hésitez pas à aller le chercher. Il y a sur iTunes aussi, on est toujours dans le classement au top. Et voilà, le clip, allez le péter aussi, 75. C'est la famille, c'est l'entourage, on a fait ça avec le cœur. Donc continuez de nous soutenir, ça fait super plaisir. On s'infiltre. 14 juin à l'Olympia. 14 juin à l'Olympia, c'est le. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette. La coquinette. Madame s'en exclut. À choper maintenant sur Skyrock. C'est Naïma de Toulon qui vient faire tourner la roulette. Ça va bien, Naïma? Ouais, ça va, et bah ouais, je te présente tout l'entourage. Ouais, ça va, l'entourage. Ça va, et toi? Ouais, on est là, en pleine forme. Ouais. Ça va. Prête à faire tourner la roulette? Ouais, je suis prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Aïe. Et bah, dis donc, Naïma, voix masculine d'un seul coup. Naïma, c'est deux places pour le spectacle de Kev Adams sans tourner dans toute la France. C'est pour toi. On t'envoie ça du côté de merci. Toulon. Sois pas triste, Naïma. De quoi on t'écoute Vas-y, Naïma. Vas-y, dédicace à Clivia, Fatine Zara. Il y a mon frère qui aimerait passer une dédicace aussi. C'est lui qui hurlait derrière, on l'a entendu. Bah, je voulais pas. Avec la grosse voix. Ah, allô. Ouais, le frangin, ça va? Ouais, ça va, et toi? Bah ouais, la petite dédicace, on t'écoute, vas-y. Ouais, bah écoute, c'est un peu long, mais je vais faire vite. Genre une petite dédicace à Mélissa, Leslie du 83, Vanina, je lui fais des bisous. Que des nanas pour l'instant, le mec. Trop fort. Hamza, je souhaite un bon anniversaire, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Bah, bonne année du basket. Et pour le dernier, Marine, comment dire, c'est mon petit bébé, je lui fais de gros bisous, je l'aime pas. Bah, c'était mignon comme toi. C'est comment ton prénom, toi? Moi, je m'appelle Ahmed. Ahmed et Naïma, passez une bonne soirée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao, merci à l'entourage. Demain, rencard un petit peu avant 20h. Yeah. Vous serez là pour le final en beauté, à pas louper. Et on passera donc un coup de fil à l'équipe du Escrow qui sera en tournée à Compiègne demain. Merci à vous, Diffou, les live, d'être connecté avec toute l'équipe. Les jeunes entrepreneurs sont là. Oui, aussi. Oui. Bah, on a vu jeunes entrepreneurs au 995, Escrow, l'entourage. Vous créez des boîtes dans tous les sens, vous. Ça bah, exactement. C'est dingue. C'est pas terminé. C'est la belle en pagaille. C'est pas terminé en plus. Bah, c'est pas terminé, Fred, tu le disais, demain, c'est 20h, 21h. C'est le final en beauté. Pour la finale, oui, c'est la finale de la semaine. Ouais, c'est ça. Et on sera là, avec l'entourage, avec toute l'équipe. Mais on se mettra un petit Nekfeu là tout à l'heure. Le morceau que vous avez passé avec tout à l'heure. Ouais, on se le remettra tout à l'heure. C'est Romano qui me l'a demandé, il adore ce morceau. Ouais, j'aime bien. Le John Femme, c'est quoi Nekfeu, ça déchire. Et Romano, j'ai une question, c'est quoi les bails? Je t'ai vu avec un t-shirt Two Things la dernière fois. C'est quoi ça, ça se fait? Sachez que c'est Two Things, le groupe de Mamen Dooms. Ah oui, avec les deux trucs de weed. Exactement, la plus haute tête de weed, c'est Dooms. Ah oui, avec le plan de weed. Voilà, très bien. Ah oui, effectivement. Il y en a un autre avec un gros ouinge aussi. Toi aussi, t'es un jeune entrepreneur, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça, exactement. Bang. Bon, bah, on se retrouve demain soir, 20h-21h. On sera là pour la dernière de la semaine. À pas louper l'entourage, ça déchire depuis lundi et c'est pas fini. Et puis nous, bah, ça va déchirer jusqu'à minuit. Ça vient juste de commencer. Radio Libre, coup d'envoi avec celui qui sera avec nous demain soir dans l'émission, c'est Black M de la section d'assaut. Ouais. Il sera là demain entre 21h et minuit et en direct comme ce soir, 20h54 et 26 secondes. Dans allez, moins d'une minute, on arrive. C'est parti. À toutes. Salut Fredo, salut. Ciao.